sont bien mariés ou ils ont une blonde, puis ils ont un toit, puis ils ont des vêtements. Ils n'ont pas de raison de pas faire une belle vie. Ils n'ont pas de raison. Si vous ne faites pas une belle vie, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne comprenez pas encore. Ils n'ont pas de raison de pas faire une belle vie. Vous pouvez être riche, faire une belle vie. Il s'agit d'avoir ce qu'on a besoin de faire une belle vie. Toi, ça te prend ça pour faire une belle vie? Ça prend ça. Moi, ça m'en prend de même pour faire une belle vie. Pas plus. Ça. Tu pourrais te noyer dans ce que j'ai de besoin, mais ça fait rien. Moi, je me noie pas. Fait que chacun a ce qu'il a de besoin. C'est relatif. C'est relatif. Moi, je suis névrosé, fait que ça me rend... Moi, si je peux pas vivre en ville parce que je vois des voisins, mais il faut que j'aille quelque part où il n'y en a pas de voisins. Fait que ça prend de l'argent pour acheter quelque part où il n'y a pas de voisins. Ça coûte cher. T'sais, ça coûte plus cher. Sans ça, t'es obligé de faire un compromis pour avoir un voisin à côté. Le chien d'un voisin qui va faire pipi sur ton terrain. Tu restes dans un building en carton, dans un trou. Fait que l'affaire de cette énergie-là, elle est en vous autres, puis elle va grandir, puis elle va grandir, parce que plus les corps s'ajustent, plus l'énergie grandit. Mais il n'y a pas de raison que les gens... L'affaire de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est bien important. Bien important. C'est bien plus important que la spiritualité, mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que la spiritualité, elle va mettre du désordre dans votre vie. Ah, je comprends donc. Elle vous met au service de l'âme, la spiritualité. Mettre de l'ordre dans votre vie, c'est de l'intelligence. C'est votre intelligence, votre volonté. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, puis avec ce que vous savez, vous êtes ce qui est doux. Fait que cette énergie-là, t'en souffres plus. Et là. Sa connexion. Pas. Elle riait avant, ça riait tout le temps. Tu y parlais, ça partait à rire. Tu sais, elle a pas oublié d'arrêter, c'est comme un train. Là, elle s'est coulée un petit peu. Mais elle riait, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de problème. La vie était joyeuse. C'était toute l'astralité. Une fois qu'elle est devenue plus mentale, elle rit moins, mais elle est pas moins malheureuse qu'avant. Voilà. Elle rit moins. Fait que sa belle-mère, elle pourrait dire, ben, qu'est-ce que c'est, t'es-tu malade? Qu'est-ce que c'est, ben, non, moi, là, qu'est-ce que t'as fait? Putain. Tu peux rire. T'as pas besoin de rire gros de même. Tu peux rire gros de même. Fait que là, elle rit moins, mais c'est plus mental. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Ben, ouais, dis-le. Même comme quand on a le goût de pleurer, malgré une sorte, ça vient tout seul, bon, automatiquement, bon, les yeux, ouais. Ça brûle. Mais ça, à un moment donné, ça coupe tout d'un coup, on reste surpris à ça. D'ailleurs, plus vous allez aller dans le supramental, plus vous allez être sérieux. C'est automatique. Ah, je comprends. Parce que rire, c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie, rire. Tu ris pour acquiescer une situation. Au final, il y en a qui rient, puis qui rient, puis qui rient, puis qui rient, ça n'arrête plus. C'est une perte d'énergie, rire. C'est comme quand on parle avec des... Elle a changé ça. C'est un autre qui riait. Puis on change tout, c'est automatique. Les gens qui riaient beaucoup, là, ils rient moins aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien qu'avant, mais ils sont plus mentaux. Tu vis plus dans cette énergie-là. Puis éventuellement, tu viens dans cette énergie-là. Rire de quoi? Il n'y a rien à rire, ça va. Pour ça, Bernard, que c'est de plus en plus difficile de vivre avec les autres, parce que tu ris pas, ils trouvent que t'as l'air bien. Exactement. Parce que rire, c'est une forme de convivialité sociale. Moi, c'est ça. T'arrives au bureau le matin, tu ris pas, boss, tu es bien bête. C'est ça, t'as l'air bête. Ben non, je travaille. C'est ça, exactement. Envie de pleurer, c'est la même chose. Rire et pleurer, c'est deux pertes d'énergie. Non, mais je veux dire, autant que t'as l'envie, autant que ça ne dit plus rien. Bon, c'est parce que t'es plus mental. Plus t'es mental, moins tu pleures, moins tu ris. Ça m'est sûr que... Ben, c'est évident. Rire, c'est l'envers de pleurer. C'est la polarité. Quand t'es mental, pleurer pourquoi? Si tu veux, je pleure, moi. Ben, Bernard... Pleurer, c'est souffrir. Ouais, mais l'humour, ça fait rire. L'humour, ça fait rire, d'accord. C'est de l'intelligence. Ça fait rire, l'humour, d'accord. Mais c'est pour balancer les vibrations. J'ai rien contre rire. Mais il y a rire, puis rire. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, ça rit, puis ils n'attendent pas une joke après l'autre. T'as pas le temps de mettre deux crises de mots, c'est une joke, puis une joke, puis une joke. Ils te tournent tout en joke, c'est une perte d'énergie. Les comédiens, là, tu dis, parler à un comédien, il n'y a pas moyen de parler à ça. C'est des jokes, brrr, tu dis un mot, brrr, un autre mot, brrr, ils te changent tout en joke. C'est une perte d'énergie. Moi, j'en ai un, j'en connais un comédien qui fait la télévision à Californie. Je ne peux pas parler à ce gars-là. Moi, quand je joue, je sac mon gars.